Le peuple ouvre ses mains avec joie. Les offrandes débordent dans le camp. Car quand la grâce a restauré le cœur, la générosité devient un chant. Or, argent, tissu, parfum, tout devient une louange visible. Et même ceux qui possédaient peu participent à l'invisible. La gratitude libère ce que la faute retenait. Quand la grâce touche nos cœurs, nos mains s'ouvrent sans regret, car donner devient